passe par là. Un homme mûr dans tes bras. Elisabeth, Babette Shadow reste assise au bord de l'eau. Les grands mystères te guettent et la lumière se reflète sur ta peau. Babette Shadow se lève et se jette à l'eau. Elisabeth, Babette Shadow, si l'aventure s'y prête, allonge-toi dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras.